Paul Flanders, troisième partie. Quand il se fut assis un moment, il vit facilement qu'il y avait un changement dans mon visage, que je n'étais pas si libre avec lui et si gai que de coutume, et surtout que je venais de pleurer. Il ne fut pas long à le remarquer, et me demanda très tendrement ce qu'il y avait et si quelque chose me tourmentait. J'aurais bien remis la confidence si j'avais pu, mais je ne pouvais plus dissimuler. Et après m'être fait longuement importuner pour me laisser tirer ce que je désirais si ardemment révéler, je lui dis qu'il était vrai qu'une chose me tourmentait, et une chose de nature telle que je pouvais à peine la lui cacher, et que pourtant je ne pouvais savoir comment la lui dire. Que c'était une chose qui non seulement me surprenait, mais m'embarrassait fortement, et que je ne savais quelle décision prendre, à moins qu'il voulût me conseiller. Il me répondit avec une grande tendresse que, quelle que fût la confidence, je ne devais m'inquiéter de rien parce qu'il me protégerait de tout le monde. Je commençai à tirer de loin et lui dis que je craignais que mesdames eussent obtenu quelque secrète information de notre liaison, car il était facile de voir que leur conduite était bien changée à mon égard, et maintenant, les choses en étaient venues au point qu'elles me trouvaient souvent en faute et parfois me querellaient tout de bon, quoique je n'y donnasse pas la moindre occasion. Qu'au lieu que j'avais toujours couché d'ordinaire avec la sœur aînée, on m'avait mise naguère à coucher toute seule ou avec une des servantes et que je les avais surprises plusieurs fois à parler très cruellement de moi. Mais que ce qui confirmait le tout était qu'une des servantes m'avait rapporté qu'elle avait entendu dire que je devais être mise à la porte et qu'il ne valait rien pour la famille que je demeurasse plus longtemps dans la maison. Il sourit en m'entendant, et je lui demandai comment il pouvait prendre cela si légèrement, quand il devait bien savoir que si nous étions découverts, j'étais perdu et que cela lui ferait du tort, bien qu'il n'en dût pas être ruiné comme moi. Je lui reprochai vivement de ressembler au reste de son sexe qui, ayant à merci la réputation d'une femme, en font souvent leur jouet ou au moins la considèrent comme une babiole et compte la ruine de celle dont ils ont fait leur volonté comme une chose de nulle valeur. Il vit que je m'échauffais et que j'étais sérieuse, et il changea de style sur le champ. Il me dit qu'il était fâché que j'eusse une telle pensée sur lui, qu'il ne m'en avait jamais donné la moindre occasion, mais s'était montré aussi soucieux de ma réputation que de la sienne propre. Qu'il était certain que notre liaison avait été gouvernée avec tant d'adresse que pas une créature de la famille ne faisait tant que de la soupçonner. Que s'il avait souri quand je lui avais dit mes pensées, c'était à cause de l'assurance qu'il venait de recevoir qu'on n'avait même pas une lueur sur notre entente, et que, lorsqu'il me dirait les raisons qu'il avait de se sentir en sécurité, je sourirais comme lui, car il était très certain qu'elle me donnerait pleine satisfaction. « Voilà un mystère que je ne saurais entendre, dis-je, ou comment pourrais-je être satisfaite d'être jetée à la porte ? Car si notre liaison n'a pas été découverte, je ne sais ce que j'ai fait d'autre pour changer les visages que tournent vers moi tous ceux de la famille, qui jadis me traitaient avec autant de tendresse que si j'eusse été une de leurs enfants. « Mais vois-tu, mon enfant, dit-il, Qu'ils sont inquiets à ton sujet, c'est parfaitement vrai. Mais qu'ils aient le moindre soupçon du cas tel qu'il en est, en ce qui nous concerne, toi et moi, c'est si loin d'être vrai qu'ils soupçonnent mon frère Robin. Et en somme, ils sont pleinement persuadés qu'il te fait la cour. Oui, da, et c'est ce sot lui-même qui le leur a mis dans la tête, car il ne cesse de babiller là-dessus et de se rendre ridicule. J'avoue que je pense qu'il a grand tort d'agir ainsi, puisqu'il ne saurait ne pas voir que cela les vexe et les rend désobligeants pour toi. Mais c'est une satisfaction pour moi, à cause de l'assurance que j'en tire, qu'ils ne me soupçonnent en rien, et j'espère que tu en seras satisfaite aussi. Et je le suis bien, dis-je, en une manière, mais qui ne touche nullement ma position, et ce n'est pas là la chose principale qui me tourmente, quoique j'en ai été bien inquiète aussi. Et qu'est-ce donc alors ? Dit-il. Là-dessus j'éclatai en larmes et ne pus rien lui dire du tout. Il s'efforça de m'apaiser de son mieux, mais commença enfin de me presser très fort de lui dire ce qu'il y avait. Enfin, je répondis que je croyais de mon devoir de le lui dire, et qu'il avait quelque droit de le savoir, outre que j'avais besoin de son conseil, car j'étais dans un tel embarras que je ne savais comment faire, et alors je lui racontai toute l'affaire. Je lui dis avec quelle imprudence s'était conduit son frère, en rendant la chose si publique, car, s'il l'avait gardée secrète, j'aurais pu le refuser avec fermeté sans en donner aucune raison. Et avec le temps, il aurait cessé ses sollicitations. Mais qu'il avait eu la vanité, d'abord de se persuader que je ne le refuserais pas, et qu'il avait pris la liberté, ensuite, de parler de son dessein à la maison entière. Je lui dis à quel point je lui avais résisté et combien ses offres étaient honorables et sincères. Mais, dis-je, ma situation va être doublement difficile, car elles m'en veulent maintenant, parce qu'ils désirent m'avoir. Mais elles m'en voudront davantage quand elles verront que je l'ai refusé, et elles diront bientôt « Il doit y avoir quelque chose d'autre là-dedans, et que je suis déjà mariée à quelqu'un d'autre, sans quoi je ne refuserai jamais une alliance si au-dessus de moi que celle-ci. » Ce discours le surprit vraiment beaucoup. Il me dit que j'étais arrivée, en effet, à un point critique et qu'il ne voyait pas comment je pourrais me tirer d'embarras, mais qu'il y réfléchirait et qu'il me ferait savoir à notre prochaine entrevue à quelle résolution il s'était arrêté. Cependant, il me pria de ne pas donner mon consentement à son frère, ni de lui opposer un refus net, mais de le tenir en suspens. Je parus sursauter à ces mots, ne pas donner mon consentement. Je lui dis qu'il savait fort bien que je n'avais pas de consentement à donner, qu'il s'était engagé à m'épouser et que moi, par là même, j'étais engagée à lui, qu'il m'avait toujours dit que j'étais sa femme et que je me considérais en effet comme telle, aussi bien que si la cérémonie en eût été passée, et que c'était sa propre bouche qui m'en donnait droit, puisqu'il m'avait toujours persuadée de me nommer sa femme. « Voyons, ma chérie, dit-il, ne t'inquiète pas de cela maintenant. Si je ne suis pas ton mari, je ferai tout l'office d'un mari, et que ces choses ne te tourmentent point maintenant. Mais laisse-moi examiner un peu plus avant cette affaire, et je pourrai t'en dire davantage à notre prochaine entrevue. » Ainsi il m'apaisa du mieux qu'il put, mais je le trouvai très songeur. Et quoiqu'il se montrât très tendre et me baisa mille fois et davantage, je crois, et me donna de l'argent aussi, cependant il ne fit rien de plus pendant tout le temps que nous demeurâmes ensemble, qui fut plus de 2 heures, dont je m'étonnais fort, regardant sa coutume et l'occasion. Son frère ne revint pas de Londres avant 5 ou 6 jours, et il se passa 2 jours encore avant qu'il eût l'occasion de lui parler. Mais alors, le tirant à part, il lui parla très secrètement là-dessus, et le même soir trouva moyen, car nous eûmes une longue conférence, de me répéter tout leur discours qui, autant que je me le rappelle, fut environ comme suit. Il lui dit qu'il avait ouï d'étranges nouvelles de lui depuis son départ, et en particulier qu'il faisait l'amour à Madame Betty. « Eh bien, dit son frère avec un peu d'humeur, et puis quoi, cela regarde-t-il quelqu'un ?»« Voyons, lui dit son frère, ne te fâche pas, Robin, je ne prétends nullement m'en mêler. » Mais je trouve qu'elles s'en inquiètent et qu'elles ont à ce sujet maltraité la pauvre fille, ce qui me peine autant que si c'était moi-même. « Que veux-tu dire par « elle » ? » dit Robin. « Je veux dire ma mère et les filles, » dit le frère aîné. « Mais écoute, » reprend-il, « est-ce sérieux ? Aimes-tu vraiment la fille ?»« Eh bien alors, » dit Robin, « je te parlerai librement. » Je l'aime au-dessus de toutes les femmes du monde, et je l'aurai, en dépit de ce qu'elles pourront faire ou dire. J'ai confiance que la fille ne me refusera point. » Je fus percé au cœur à ces paroles, car bien qu'il fût de toute raison de penser que je ne le refuserais pas, cependant je savais, en ma conscience, qu'il le fallait, et je voyais ma ruine dans cette obligation. Mais je savais qu'il était de mon intérêt de parler autrement à ce moment, et j'interrompis donc son histoire en ces termes. « Oui, da, dis-je, pense-t-il que je ne le refuserai point ? Il verra bien que je le refuserai tout de même. « Bien, ma chérie, dit-il, mais permets-moi de te rapporter toute l'histoire, telle qu'elle se passa entre nous. Puis tu diras ce que tu voudras. » Là-dessus, il continua et me dit qu'il avait ainsi répondu. « Mais mon frère, tu sais qu'elle n'a rien, et tu pourrais prétendre à différentes dames qui ont de belles fortunes. Peu m'importe, dit Robin, j'aime la fille, et je ne chercherai jamais à flatter ma bourse en me mariant aux dépens de ma fantaisie. « Ainsi, ma chérie, ajoute-t-il, il n'y a rien à lui opposer. « Si, si, dis-je, je saurais bien quoi lui opposer. J'ai appris à dire non maintenant, quoique je ne l'eusse pas appris autrefois. Si le plus grand seigneur du pays m'offrait le mariage maintenant, je pourrais répondre non de très bon cœur. « Voyons, mais ma chérie, dit-il, que peux-tu lui répondre ? Tu sais fort bien, ainsi que tu le disais l'autre jour, qu'il te fera je ne sais combien de questions là-dessus, et toute la maison s'étonnera de ce que cela peut bien signifier. « Comment ? » dis-je en souriant. « Je peux leur fermer la bouche à tous, d'un seul coup, en lui disant, ainsi qu'à eux, que je suis déjà mariée à son frère aîné ?» Il sourit un peu, lui aussi, sur cette parole. Mais je pus voir qu'elle le surprenait, et il ne put dissimuler le désordre où elle le jeta. Toutefois, il répliqua. « Oui, bien, dit-il, et quoique cela puisse être vrai en un sens, cependant je suppose que tu ne fais que plaisanter en parlant de donner une telle réponse, qui pourrait ne pas être convenable pour plus d'une raison. Non, non. « Dis-je gaiement, je ne suis pas si ardente à laisser échapper ce secret sans votre consentement. « Mais que pourras-tu leur répondre alors ? Dit-il, quand ils te trouveront déterminée contre une alliance qui serait apparemment si fort à ton avantage. « Comment ? Lui dis-je, serais-je en défaut ? En premier lieu, je ne suis point forcée de leur donner de raison. Et d'autre part, je puis leur dire que je suis mariée déjà et m'en tenir là. Et ce sera un arrêt net pour lui aussi, car il ne saurait avoir de raison pour faire une seule question ensuite. « Oui, dit-il, mais toute la maison te tourmentera là-dessus. Et si tu refuses absolument de rien leur dire, ils en seront désobligés et pourront en outre en prendre du soupçon. « Alors, dis-je, que puis-je faire? Que voudriez-vous que je fisse? J'étais assez en peine avant, comme je vous ai dit, et je vous ai fait connaître les détails afin d'avoir votre avis. « Ma chérie, dit-il, j'y ai beaucoup réfléchi, sois-en sûre. Et quoi qu'il y ait en mon conseil, bien des mortifications pour moi, et qu'il risque d'abord de te paraître étrange, cependant, toutes choses considérées, je ne vois pas de meilleure solution pour toi que de le laisser aller, et si tu le trouves sincère et sérieux, de l'épouser. » Je lui jetai un regard plein d'horreur sur ces paroles, et, devenant pâle comme la mort, fut sur le point de tomber évanoui de la chaise où j'étais assise, quand, avec un tressaut, « Ma chérie, dit-il tout haut, qu'as-tu? Qu'y a-t-il? Où vas-tu ? » Et mille autres choses pareilles, et, me secouant et m'appelant tour à tour, il me ramena un peu à moi, quoiqu'il se passât un bon moment avant que je retrouvasse pleinement mes sens et je ne fus pas capable de parler pendant plusieurs minutes. Quand je fus pleinement remise, il commença de nouveau. « Ma chérie, dit-il, il faudrait y songer bien sérieusement. Tu peux assez clairement voir quelle est l'attitude de la famille dans le cas présent, et qu'ils seraient tous enragés si j'étais en cause, au lieu que ce fût mon frère. Et à ce que je puis voir, du moins, ce serait ma ruine et la tienne tout ensemble. « Ouida ! » criai-je, parlant encore avec colère. « Et toutes vos protestations et vos vœux doivent-ils être ébranlés par le déplaisir de la famille ? Ne vous l'ai-je pas toujours objecté, et vous le traitiez légèrement, comme étant au-dessous de vous et de peu d'importance? Et en est-ce venu là, maintenant? Est-ce là votre foi et votre honneur, votre amour et la fermeté de vos promesses? » Il continua à demeurer parfaitement calme, malgré tous mes reproches, et je ne les lui épargnai nullement. Mais il répondit enfin, « Ma chérie, je n'ai pas manqué encore à une seule promesse. Je t'ai dit que je t'épouserai quand j'entrerais en héritage. Mais tu vois que mon père est un homme vigoureux, de forte santé, et qui peut vivre encore ses 30 ans, et n'être pas plus vieux en somme que plusieurs qui sont autour de nous en ville. Et tu ne m'as jamais demandé de t'épouser plus tôt, parce que tu savais que cela pourrait être ma ruine. Et pour le reste, je ne t'ai failli en rien. » Je ne pouvais nier un mot de ce qu'il disait. « Mais comment alors, dis-je, pouvez-vous me persuader de faire un pas si horrible et de vous abandonner, puisque vous ne m'avez pas abandonné? N'accorderez-vous pas qu'il y ait de mon côté un peu d'affection et d'amour, quand il y en a tant eu du vôtre ? Ne vous ai-je pas fait des retours? N'ai-je donné aucun témoignage de ma sincérité et de ma passion? Est-ce que le sacrifice que je vous ai fait de mon honneur et de ma chasteté n'est pas une preuve de ce que je suis attachée à vous par des liens trop forts pour les briser? Mais ici, ma chérie, dit-il, tu pourras entrer dans une position sûre et paraître avec honneur. Et la mémoire de ce que nous avons fait peut être drapée d'un éternel silence, comme si rien n'en eût jamais été. Tu conserveras toujours ma sincère affection, mais en toute honnêteté et parfaite justice envers mon frère. Tu seras ma chère sœur, comme tu es maintenant, ma chère. » Et là il s'arrêta. « Votre chère catin, dis-je, c'était ce que vous vouliez dire, et vous auriez aussi bien pu le dire. Mais je vous comprends. Pourtant, je vous prie de vous souvenir des longs discours dont vous m'entreteniez, et des longues heures de peine que vous vous êtes données pour me persuader de me regarder comme une honnête femme, que j'étais votre femme en intention, et que c'était un mariage aussi effectif qui avait été passé entre nous que si nous eussions été publiquement mariés par le ministre de la paroisse. Vous savez que ce sont là vos propres paroles. » Je trouvai que c'était là le serrer d'un peu trop près, mais j'adoucis les choses dans ce qui suit. Il demeura comme une souche pendant un moment, et je continuai ainsi. « Vous ne pouvez pas, dis-je, sans la plus extrême injustice, penser que j'ai cédé à toutes ces persuasions sans un amour qui ne pouvait être mis en doute, qui ne pouvait être ébranlé par rien de ce qui eût pu survenir. Si vous avez sur moi des pensées si peu honorables, je suis forcée de vous demander quel fondement je vous ai donné à une telle persuasion. Si jadis j'ai cédé aux importunités de mon inclination, et si j'ai été engagée à croire que je suis vraiment votre femme, donnerais-je maintenant le démenti à tous ces arguments, et prendrais-je le nom de catin ou de maîtresse qui est la même chose? Et allez-vous me transférer à votre frère? Pouvez-vous transférer mon affection? Pouvez-vous m'ordonner de cesser de vous aimer et m'ordonner de l'aimer? Est-il en mon pouvoir, croyez-vous, de faire un tel changement sur commande? Allez, monsieur, dis-je, soyez persuadé que c'est une chose impossible. Et quel que puisse être le changement de votre part, que je resterai toujours fidèle. Et j'aime encore bien mieux, puisque nous en sommes venus à une si malheureuse conjoncture, être votre catin, que la femme de votre frère. » Il parut satisfait et touché par l'impression de ce dernier discours et me dit qu'il restait là où il s'était tenu avant, qu'il ne m'avait été infidèle en aucune promesse qu'il m'eût faite encore, mais que tant de choses terribles s'offraient à sa vue en cette affaire qu'il avait songé à l'autre comme un remède, mais qu'il pensait bien qu'elle ne marquerait pas une entière séparation entre nous, que nous pourrions, au contraire, nous aimer en amis tout le reste de nos jours, et peut-être avec plus de satisfaction qu'il n'était possible en la situation où nous étions présentement. Qu'il se faisait fort de dire que je ne pouvais rien appréhender de sa part sur la découverte d'un secret qui ne pourrait que nous réduire à rien s'il paraissait au jour. Enfin, qu'il n'avait qu'une seule question à me faire et qui pourrait s'opposer à son dessein, et que, s'il obtenait une réponse à cette question, il ne pouvait que penser encore que c'était pour moi la seule décision possible. Je devinais sa question sur le champ, à savoir si je n'étais pas grosse. Pour ce qui était de cela, lui dis-je, il n'avait besoin d'en avoir cure, car je n'étais pas grosse. « Eh bien alors, ma chérie, dit-il, nous n'avons pas le temps de causer plus longtemps maintenant. Réfléchis. Pour moi, je ne puis qu'être encore d'opinion que ce sera pour toi le meilleur parti à prendre. » Et là-dessus, il prit congé, et d'autant plus à la hâte que sa mère et ses sœurs sonnaient à la grande porte dans le moment qu'il s'était levé pour partir. Il me laissa dans la plus extrême confusion de pensées, et il s'en aperçut aisément le lendemain et tout le reste de la semaine, mais ne trouva pas l'occasion de me joindre jusqu'au dimanche d'après, qu'étant indisposé, je n'allais pas à l'église, et lui, imaginant quelque excuse, resta à la maison. Et maintenant, il me tenait encore une fois, pendant une heure et demie toute seule, et nous retombâmes tout du long dans les mêmes arguments. Enfin, je lui demandai avec chaleur quelle opinion il devait avoir de ma pudeur, s'il pouvait supposer que j'entretinsse seulement l'idée de coucher avec deux frères, et lui assurai que c'était une chose impossible. J'ajoutai que s'il me disait même qu'il ne me reverrait jamais, et rien que la mort ne pourrait m'être plus terrible, pourtant je ne pourrais jamais entretenir une pensée si peu honorable pour moi et si vile pour lui, et qu'ainsi je le suppliais, s'il lui restait pour moi un grain de respect ou d'affection, qu'il ne m'en parlât plus ou qu'il tirât son épée pour me tuer. Il parut surpris de mon obstination, comme il la nomma. Me dit que j'étais cruelle envers moi-même, cruelle envers lui tout ensemble. Que c'était pour nous deux une crise inattendue, mais qu'il ne voyait pas d'autre moyen de nous sauver de la ruine, d'où il lui paraissait encore plus cruel. Mais que s'il ne devait plus m'en parler, il ajouta avec une froideur inusitée qu'il ne connaissait rien d'autre dont nous eussions à causer, et ainsi se leva pour prendre congé. Je me levai aussi, apparemment avec la même indifférence, mais quand il vint me donner ce qui semblait un baiser d'adieu, j'éclatai dans une telle passion de larmes que, bien que j'eusse voulu parler, je ne le pus, et lui pressant seulement la main, parut lui donner l'adieu, mais pleurer violemment. Il en fut sensiblement ému, se rassit et me dit nombre de choses tendres, mais me pressa encore sur la nécessité de ce qu'il avait proposé, affirmant toujours que si je refusais, il continuerait néanmoins à m'entretenir du nécessaire, mais me laissant clairement voir qu'il me refuserait le point principal, oui, même comme maîtresse. Se faisant un point d'honneur de ne pas coucher avec la femme qui, autant qu'il en pouvait savoir, pourrait un jour ou l'autre venir à être la femme de son frère. La simple perte que j'en faisais comme galant n'était pas tant mon affliction que la perte de sa personne, que j'aimais en vérité à la folie, et la perte de toutes les espérances que j'entretenais et sur lesquelles j'avais tout fondé de l'avoir un jour pour mari. Ces choses m'accablèrent l'esprit, au point qu'en somme les agonies de ma pensée me jetèrent en une grosse fièvre, et il se passa longtemps que personne dans la famille n'attendait plus de me voir vivre. J'étais réduite bien bas en vérité, et j'avais souvent le délire. Mais rien n'était si imminent pour moi que la crainte où j'étais de dire dans mes rêveries quelque chose qui pût lui porter préjudice. J'étais aussi tourmentée dans mon esprit par le désir de le voir, et lui tout autant par celui de me voir, car il m'aimait réellement avec la plus extrême passion. Mais cela ne put se faire. Il n'y eut pas le moindre moyen d'exprimer ce désir d'un côté ou de l'autre. Ce fut près de 5 semaines que je gardais le lit, et, quoique la violence de ma fièvre se fût apaisée au bout de 3 semaines, cependant elle revint par plusieurs fois. Et les médecins dirent à 2 ou 3 reprises qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour moi et qu'il fallait laisser agir la nature et la maladie. Au bout de 5 semaines, je me trouvai mieux, mais si faible, si changé, et je me remettais si lentement que les médecins craignirent que je n'entrasse en maladie de langueur. Et ce qui fut mon plus grand ennui, ils exprimèrent l'avis que mon esprit était accablé, que quelque chose me tourmentait, et qu'en somme, j'étais amoureuse. Là-dessus, toute la maison se mit à me presser de dire si j'étais amoureuse ou non, et de qui. Mais, comme bien je pouvais, je niais que je fusse amoureuse de personne.